couillon en vente. Bonsoir. Tous les canards vont à la marée, c'est bien fait pour vous. Nous sommes ensemble jusque 22h. À ce qui paraît, ouais. Et on démarre cette émission, avant de vous parler du programme, avec Voodoo Child de Mr. Jimi Hendrix, extrait d'une compilation, figurez-vous, qui s'appelle The Ultimate Experience, qui sortait au milieu des années 90. Voilà, qui reprend comme tout bon best-of digne de ce nom, si pas l'essentiel, en tout cas des titres les plus connus, voilà, et peut-être les plus percutants quand même. Hein. Il y a une sélection de 20 titres, parmi lesquels Purple Haze, Hey Joe, Wild Thing, Fire, Crossed in Traffic, etc. Et donc ce Voodoo Child qui est sorti de mémoire en 1968, initialement. Ça date. Mm-hmm. Morceau qui a presque 50 ans. Ouais. Et qui n'a absolument pas vieilli, mais d'une note. Non. Fantastique. Ah, fantastique. Au programme, alors pourquoi Jimi Hendrix? Parce que c'est comme ça, je dis. Oui, j'allais dire. Parce que Jimi Hendrix est né le 27 novembre 1942. Voilà. Petite manière de fêter un anniv, quoi. Ouais. Hein? Ouais. Comme bon. Ça. D'accord. Au programme ce soir. Album de la semaine. La review de Korenko. Fil rouge. On va revenir quand même sur ces disques qui ont marqué un petit peu 2016. Déjà? Ouais, tu sais, je passe un peu en revue comme ça. D'accord. Bon. C'est pas encore fini, mais... Non. Il y a bien sûr une archive. Forcément. Maybe. Forcément. Et Books on the Radio. Bon, tout ça plus ou moins dans l'ordre. Ouais, vraiment plus ou moins. Vous allez remettre ça dans l'ordre. Vous-même. C'est ça. L'ironie du primate. Humour Louis-Philippard, le sarcasme prudamesque. Monsieur Laudin, vous faites sans doute autorité en matière de bulldozer, tracteur et caterpillar, mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Voilà, et encore pour enfants. Album de la semaine donc. Mm-hmm. On va partir à Bordeaux. Ah, B. Ouais, pas boire du vin. Non. Non. Non. Non. Non, non, non, non. Avec un duo qui s'appelle VVVV. VVV, c'est déjà 4. C'est 4 V, donc voilà. C'est pas un duo, c'est pas un duo de V. Non. Mais eux, c'est un duo. Ah, d'accord. deux garçons qui s'appellent, alors bien sûr, c'est des pseudos, Bardou Jacquet et Le Mage. Bon. Très mystérieux. Mmh. Reste très mystérieux derrière tout ça. Qui sont en fait des anciens membres ou des membres encore, ça je ne sais pas. Pas dire des groupes Aeroflow et Year of No Light. Eh bien, c'est bien. Ah oui, Year of No Light, ouais, tout à fait. Connais. Ouais, c'est ça, déjà ouais. Ça. Ça, ouais. Voilà. Et Fléau également. Non. Ah voilà. Ça, c'est déjà un sur trois, c'est déjà pas mal. J'étais déjà parti pour dire je ne connais rien du tout, mais non, Year of No Light, ouais, effectivement. Voilà, c'est leur premier album éponyme. Mm-hmm. Et c'est sorti notamment chez Detonic Recordings, ouais. Qu'on connaît bien ici, aimé et qu'on connaît encore mieux chez Attends, Rêver du Roi. Ah bah oui. une bien bonne maison, n'est-ce pas? Une bien bonne maison, ma petite dame. Hein, on trouve voilà. De tout, mais une bien bonne maison. Bon. Ils sont des habitués chez nous. Ouais. Et pour une fois, ils passeront dans l'album de la semaine. Ah. C'est pas beau, ça leur fera plaisir. Je pense aussi. Téléphoner à Pierre et tout, ils seront contents. Mais je pense qu'il y a déjà un like sur la page, donc il doit être au courant. Il n'y a pas de souci. Allez, premier album donc pour ce duo bordelais. On va écouter le morceau qui ouvre l'album. Yes. Ça s'appelle Like. Like. Allez, c'est parti. Thank you. Like. Yeah. Des 4 V. Je vais appeler comme ça, ce sera plus facile. Des 4 V. Des ouais. 4 V. Extrait de leur premier album éponyme. C'est la semaine des 4 V. C'est la semaine des 4 V, ouais. Oh, bah, c'est pas ça. Alors, les 4 V, pourquoi? Ah. Ah, il n'y a pas de raison. Quand même. Tu rigoles ou quoi? Non. Est-ce qu'ils nous ont pas... Il n'y a pas de signification derrière les 4 V. En fait. Alors, on a connu ça cette année avec le groupe Chenille. Je ne sais pas si ça, ça dit quelque fait, chose. Ouais, où, ouais. C'était un, des signes qui faisaient un dessin, mais qui pouvaient être traduits par n'importe quel nom, finalement. Et puis, Chenille, ça a collé mieux parce que... Voilà. Est-ce que c'est un petit peu le même procédé? Ouais, ils partent aussi du principe que ça fait un petit peu science-fiction, tu vois. Les V, voilà, science-fiction, électro... Ouais, ouais, ça, bah, voilà. On a bien compris l'histoire. Et les ondes oscillatoires, donc voilà, mais il n'y a pas de signification spécifique derrière, derrière leur nom. Et on appelle ça comment? V, 4V, VVVV, W... VVVV, c'est les 4V. Voilà. Bon, ils vont rien... C'est les 4V en tout cas. Ils vont rien faire pour nous simplifier la vie, quoi. Non. D'accord. Ils ne sont pas gentils. Non, non, mais bon, voilà, on prend note. Non, non, mais je vais les appeler les 4V, ça... beaucoup plus facile. Fais-toi plaisir. Merci, c'est gentil. Alors, à savoir que ça m'a bien fait rire, leur groupe de référence. Il y a peur déjà. Bah, le fait que tu commences par ça m'a bien fait rire. Ce sont les Stringlers, figure-toi. Allez, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais. Voilà. J'y crois pas une seconde, mais pourquoi si, pas. Si. Si, si, si, si. Jean-Jacques Burnel et tout ça, ça, ça... Et apparemment, parce qu'ils disent, d'ailleurs, c'est un groupe qui est ultra ringard pour tout le monde, à part nous. Et personne n'en a rien à foutre de ce groupe. Ouais, ouais, non pas c'est pas vrai. C'est pas vrai, spécialement. Non, okay. Non, Burnel et tout, non, ils ont fait des trucs. Hein. Vous venez en Belgique. No More Heroes et tout ça. Ouais, ouais, en France, bah, bien sûr. Pardon, j'ai rien dit. Alors, ils disent quand même que c'est les seuls punks ultra diplômés, des intellos qui ont osé mettre du clavier dans le punk. C'est vrai. C'était des punks prog. c'est pas faux. Non, non, il y a quelque chose. C'est pas faux. Dame Nadia a fait ça aussi dans son temps, mais ça a beaucoup moins bien pris. C'est vrai. Mais non, mais c'est vrai. Voilà. Allez. Vous cherchez quand même assez loin. Ça donne envie de discuter avec ces gens, en tout cas. Tout à fait. Vous alors, ouais. À lire l'interview sur notre blog. touslescanards.blogspot.com. Ok. À vos souhaits, monsieur. Et vous allez voir, enfin voilà, il y a plusieurs petites questions. Ça parle forcément de Bordeaux. Baby. Voilà, ça parle des personnalités de Bordeaux. Mm-hmm. Ça parle de Noir Désir. Forcément. C'est très drôle que dès que tu parles de Bordeaux, tu parles de Noir Désir. Ouais, mais ils parlent pas que de Noir Désir quand même. Ils vont parler, ils vont chercher d'autres groupes, dont notamment JC Satan. Bah ouais. Voilà, qui est bien connu chez nous bien aussi. Bien sûr, bien sûr. Et de quelques petites sorties à faire là-bas. Et il parle également d'Alain Juppé. Bah. Surtout. Bah ouais. Surtout maintenant. Aujourd'hui, là. Ça doit être. Non, c'est 2014. Ouais, c'est une interview qui date de 2014. On n'a rien suivi, donc on ne sait pas. Mais je ne sais pas du tout. Je peux regarder après. Je vais te tenir au courant si tu veux. Ah bah écoute. Et tenir les auditeurs au courant. Bah. Parce qu'à mon avis, les 4 V doivent être devant leur télé, peut-être. Ouais, ouais. Tu vois. Ouais. Et donc ils sont pas à la radio alors qu'ils. Je ne sais pas. Ils sont au courant en tout cas. Ils ont été mis au courant. Ils sont au courant qu'il y a quelque chose ici pour eux, qu'on parle d'eux. Bah attends, Révi du Roi est au courant, donc je présume qu'ils ont mis au courant. Et double 033 56 84 07 83 double 33 56 34 07 83. N'hésitez pas et sérieux, je vous passe à l'antenne. Ouais, ça marche. Bah ouais. Et donc si jamais le père. Le père Alain y est passé. Mm-hmm. On n'en sait rien, nous. Hein. Ben, n'hésitez pas, quoi. Téléphonez-nous. Ou alors, ils sont en train de pleurer parce qu'il va passer. Je ne sais pas. Non, je rigole. Quoi qu'il en soit, vous allez pleurer. Enfin, non. Bon, c'est pas grave. Oh là là. Allez, on n'est pas là pour parler de politique. C'est vrai, c'est vrai. On perd un temps fou on sur est là pour parler de la musique. Programmation médicale, ici. Deuxième extrait Allons-y. De leur album Les 4 V. On va écouter Clean. I don't even know what to do. Thank you. ça crépite à la fin. Ça s'appelle Chaleur, Chaleur 4. Ouais, c'est le titre du morceau extrait d'un duo. T'es dans les duos, je suis dans le duo aussi, mais je m'en vais dans le bourrinage. Oui. Ouais, c'est en Belgique et pas à Bordeaux. Hein. Là, c'est plutôt le bourrinage. C'est pas les mêmes paysages. Pas vraiment. Issu d'un album qui s'appelle The Greatest Hits of Anaconda, par le duo Anaconda. Et duo Anaconda, figurez-vous, si vous êtes suiveur et malicieux, vous les avez entendus il y a 15 jours, puisqu'ils étaient ici avec Life of an All in Alaska, puisque 2 sur 3 forment ce duo Anaconda. Ouais. Savartino à la batterie et Ivan Ibancol à la gratte. Voilà, ils ont sorti ce disque, 7 titres. Allez. Et ça sort évidemment chez Goatheads, Goats Records. On est dans... Ouais, c'est pas vraiment du post-rock. Il y en a un petit peu dedans, mais il y a d'autres choses. Un petit peu de métal, un petit peu de... Voilà. Ça, ouais, c'est un peu plus bourrin quand même. Hein. Un peu plus bourrin, voilà. C'est vrai. Ou décomplexé, c'est selon, si on veut rester... Oui, oui, si on veut rester dans voilà, les bons mots. Voilà, donc un peu plus décomplexé. C'est ça. Allons-y. Bourrin, quoi, allez. Oh. Allez, fil rouge. Le fil rouge. Avec, toujours avec Monsieur David Bowie, on se retrouve à la toute fin des années 80. David. Ah, ouais. Où David Bowie va apparaître dans 2 films. Ouais. Ouais. Dans Absolute Beginners. Yeah, Absolute Beginners. Voilà. Alors la chanson va faire un tube par contre. Le film est une bouse. Voilà. Son nom. Voilà. Enfin c'est si, ça. Avec un nom ça s'appelle Absolute Beginners, mais si vous ne l'avez jamais vu, ce n'est pas grave. C'est pas grave. En 1986, il tournera quand même dans Labyrinthe. Ah, voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Et donc en 1987, il sortira le dernier album 1900, pour les années 80, ça s'appelle Never Let Me Down. Mm-hmm. Album un peu plus rock, ouais. Que dance, comme il faisait très peu d'années auparavant. Ouais. Il fera donc une tournée qui s'appelle le Glass Spider Tour. Mm-hmm. Avec Peter Frampton à la guitare. I want you, show me the way. Ça, c'est Peter Frampton. Voilà, tout à fait. Comme ça, pour ceux qui ne savaient pas. Mais ouais, mais j'essaye de mettre des repères. Alors, une tournée qui va être fort, fort critiquée. Puisque, on va dire qu'elle a été surproduite. À cause des effets, trop d'effets de lumière, trop de danse, trop de trucs sur scène. David Bowie, quoi. Ouais, ouais. Et alors, enfin, c'est très drôle parce que, évidemment, pour le commun des mortels, David Bowie, c'est Let's Dance avant tout. Enfin, ça dépend de certaines générations. Pour beaucoup, ça sera quand même Ziggy Stardust. Et quand même, tous les albums quasi qui ont suivi Let's Dance pendant tous les années 80 ont quand même été un petit peu délicats pour l'oreille. Voilà, c'est ça. Voire des bouses. Aussi. Donc, enfin voilà. On ne parlera pas de l'album juste avant qui s'appelait Tonight. Qui est... Ouais, ouais, voilà, puis le machin exemple. Avec Teen Machine et tout ça. Là, c'est par la suite, ce sera pour les années 90. Bref, 90. Vivement qu'on arrive à Outside et Hustling. Quoi. Ouais, on est bientôt. Non, on a envie de dire, voilà. Voilà, c'est ça. Allez, extrait de ce Never Let Me Down, on va écouter un morceau qui a été écrit en partie par Monsieur Iggy Pop, comme d'habitude. Mm-hmm. Le morceau s'appelle Bang Bang. This ain't the right thing to do. So let's go. We'll be right back. still drag his Ford's car until it's too late. But we'll have a hot time on a town tonight. This love is my bet, and it's the best bet. Bang, bang. I got mine. Allez, la petite revue de Korenko. Une musique des revues bruyantes et agitées, évidemment. En partenariat avec, je disais, ouais, Korenko, donc voilà. Pourquoi je le dis deux fois? Bah, ça leur fera plaisir. Ouais. Allez, pourquoi pas. Quelques news donc de la semaine passée. Que s'est-il passé dans le monde des décibels? Eh bien, il y a des sorties vidéo, plein, comme chaque semaine. Ça devient une vraie récurrence et... C'est quelque chose de solide, hein, quand même, les vidéos. Maintenant, ça devient le support. C'est le support. Ça ne devient pas, c'est le support absolu. Full Skate Riot qui sort un album. qui s'appelle Hemp Power. Les New Yorkais font dans le sauvage. Il y a un graphique, une charte graphique, en tout cas un graphisme qui est vraiment intéressant. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Hemp Power, en extrait, il y a Hold You to the Fire qui est à écouter. Et puis si vous aimez les petits singes, voilà, Full Sketch Riot. La grosse nouvelle de la semaine dernière, évidemment, c'est Slayer qui passe en version comic book. Ouais. À partir de janvier, y a les Slayer qui ont été retravaillés sur base de l'histoire des clips, évidemment, et qui vont connaître une vie sous la forme... non pas animée, mais sous la forme dessinée. Il y a la couve, évidemment, qui est déjà visible. Ça va sortir chez Dark Horse Records en comics, et ça vaut vraiment le coup. En comics, ouais. Slayer, ça va s'appeler Repentless One. Dans les artistes qui ont contribué à ça, il y a notamment Glenn Fabry qui s'est occupé de la couverture, qui vaut vraiment le coup. Et le projet chapeauté par John Shep pour l'écriture des scénarii et pour les dessins par Guillou Vinalova. John Shep, on connaît un peu. Et perso, Guillou Vinalova, absolument pas. Voilà. Si vous entendez du boum boum pendant que je cause, c'est parce qu'il y a des gens qui font de la musique à côté. Hein. C'est la grande vie, évidemment. Alors, concert de Metallica à Paris qui est en ligne et qui est à voir, évidemment. Il y avait un concert le 15 novembre dernier et évidemment, c'était déjà visible. Le 22 novembre, on ne perd pas le temps. Hein. Bah non. Bah non. Faut qu'on puisse... Instantané, faut qu'on puisse vivre ça. J'ai ma connexion qui me lâche un petit peu, au plus mauvais moment, comme bien souvent, évidemment. Mais pas de panique, hein, ça va revenir, évidemment. À propos de Slayer, on continue. Il y avait pas mal de choses à propos de Slayer cette semaine, et notamment Kerry King qui parlait de l'album Indisputed Attitude, sorti au milieu des années 90. C'est un album qui a marqué un petit peu la carrière de Slayer parce que Slayer ne se confondait pas du tout, mais plongeait dans différentes reprises de groupes plutôt punk, plutôt hardcore, voilà. Et c'était quelque chose d'assez inédit, et même à l'époque, pour l'époque, c'était quelque chose d'assez inédit. Voilà, il s'entretient dans une interview, Kerry King, comme à son habitude. Et pourquoi Slayer, à un moment donné, se décide de se lancer dans des reprises de punk pour contrer Green Day, Offspring, bien entendu. Ah, ben voilà, forcément. Et donc, c'est un petit peu fâché de voir ces deux groupes-là un petit peu sur le devant de la scène, alors qu'il y a plein de groupes punk plutôt sévères et sauvages aux États-Unis. Et donc, c'était dit, tiens, nous, on a notre nom, on a quand même un petit peu notre marque de fabrique, si on allait foutre un petit peu le dawa là-dedans. Bon, allez, bravo. Sympathique, quoi. Ouais. Mastodon est toujours en studio, si jamais vous voulez savoir. Donc, Mastodon va revenir avec un nouvel album en 2017. Bon, il n'y a probablement pas grand-chose à attendre de cet album de Mastodon, mais il faudra suivre, voilà. Et puis, la petite vidéo... vraiment bien foutu pour un groupe vraiment original, Warm Food. Ils sont dans la région d'Amiens, on va dire ça comme ça, pas que, mais il y en a dans ce coin-là, c'est des potes à Carnival Incol. Ils ont sorti un album qui s'appelle L'Envers, et d'extrait de cet album, il y a Mange Vert. Si. Et on vous invite vraiment à aller voir cette vidéo qui est vraiment super bien foutue aux petits oignons. C'est vraiment très très bien fait. Warm Food, voilà. Ça laisse peut-être de marbre sur disque, mais en tout cas, dans l'imagerie, dans l'idée, ces gens ont du bon goût. Voilà, si vous voyez ce que je veux. Voilà pourquoi on fait des vidéos. Voilà pourquoi on fait des vidéos, absolument. Allez, l'album en écoute, découverte en tout cas musicale pour moi, pas pour le nom que j'ai déjà vu traîner depuis un bon moment. Fallait bien s'y attarder. Un bonhomme, un Suédois, tout seul, qui s'amuse à faire de métal un peu progressif, mais pas que. Qui parfois se lance dans des projets électro, voire même new wave. Carrément. Et puis qui revient à ses amours métal, voilà, qui passe de l'un à l'autre. Il s'emmerde pas trop. Hein. Tamás Katai, c'est son nom. Et son projet, son groupe s'appelle Tai Catafalque. Extrait de Meta, l'album qui sort en 2016 sur Season of Mist, quand même. Hein. Donc c'est pas la petite porte d'à côté. On va écouter... J'ai calé quoi? Pouf. Mésolite, voilà, Taï Katafalque, Mésolite, extrait de Meta. Envolez-vous, voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Et c'est une petite surprise quand même, tiens, pour cette année 2016 et peut-être même pour les tops. Je sais que vous aimez bien les histoires de tops. We'll be right back. c'est de la radio à gogo. Tous les canards vont à la mare et c'est bien fait pour vous, RQC. Allez, le petit morceau groovy du soir. Mm-hmm. White Average Band avec This World as Music. Eh ben, il y a vraiment un côté musique de film à fond là-dedans. C'est clair. Hein, ça c'était sorti en 1973. Ouais, ouais, bah, ça, c'est, vous pouvez bien ajouter que c'était pas en 2016. Hein, ça, c'est sûr. Ça, voilà. Allez, une pièce qui n'est pas trop rare, mais quand même, ça vaut le coup, ça vaut le coup. 45 tours. Mm-hmm. Un groupe incroyable qui a démarré en 1958 et qui existe toujours. Oula. Et là, on va se plonger en 1962. Le groupe s'appelle les Spoutniks. Et c'est un groupe rock instrumental, mm-hmm. Originaire de Suède. Oui. Formé notamment par Bo Starander, Björn Tellin, voilà. C'est les deux têtes pensantes, hein. Il y a d'autres musiciens autour. Qui ont sorti un premier projet qui s'appelait The Rebels en 1956, mm-hmm. et qui est devenu les Spoutniks en 58. Voilà, ça existe toujours. Ces gens pratiquent une espèce de surf music, un peu comme les Shadows ou les Max, là, quand les Max viennent, ouais. On est un peu dans le même genre. Et on va se plonger dans un de 45 tours. Disais-je donc, qui est sorti en 62, qui est probablement le 45 tours qui a le mieux marché, qui est le plus connu, qui s'appelait Volume 1. C'est un hippie avec 4 titres. Oui. Bah ouais, à l'époque, même si c'était 45 tours, on faisait des hippies, hein, ouais, bien sûr. Ouais, tout à fait. On retrouve notamment Orange Blossom Special en face A et de Spoutnik Stem, qui sont les titres les plus connus, courants. Mm-hmm. Et donc, évidemment, on va partir sur la face B. Forcément. C'est plus drôle. Forcément. Et notamment le quatrième titre qui s'appelle The Rocketman. Et The Rocketman, figurez-vous que c'est basé sur de la musique folklorique russe qui répond au doux nom de Polyushko Poli. Voilà. Et eux, ils ont pris cette base du folk russe pour faire un morceau rock et surf carrément qui s'appelle The Rocketman. Pour la petite histoire, ça sortait sur un label qui s'appelait Président. D'accord. Il n'existe plus. Voilà. Les Spoutniks avec Rocketman, c'est du vinyle, ça craque bien évidemment. Ça dure 1 minute 30. Hein. Ça va vite. Sound. Books on the Radio. Allez, Books on the Radio. Mmh. On va partir sur un auteur qu'on a déjà parlé. Ouais. Ça s'appelle Jean-Marc Souvira. Ah ouais. Voilà. Et on avait parlé de son premier bouquin qui s'appelait Le Magicien. Mmh. Voilà. Et son deuxième bouquin s'appelle Le Vent t'emportera. Donc on reste du côté de Bordeaux avec Noir Désir. Ah bah dis-moi. Enfin ouais, enfin, non, ouais c'est normal, oui, hein, c'est normal. Ouais. Non, non, c'est rien. Alors pour remettre dans le contexte, Jean-Marc Souvira dirige en fait le service de répression de la grande délinquance financière. C'est ça. En France. Et à côté de ça, il écrit des bouquins. Mmh. Et en 2008 était sorti Le Magicien, c'était avec son personnage policier fétiche, qui s'appelle Ludovic Mistral. Et le premier bouquin racontait l'histoire d'un tueur d'enfants. Mmh. Tu te souviens? Oui, oui, tout, voilà. tout à fait. Donc Le Vent t'emportera, on est toujours avec Ludovic Mistral, qui, en fait, dans Le Magicien, se retrouve blessé gravement. Mmh. Et on le retrouve après quelques mois de repos, on va dire ça comme ça. Et malheureusement pour lui, il n'arrive pas à dormir, il a des insomnies à cause de l'histoire du magicien. Mmh. Et il va se retrouver, à son retour de vacances, devant une autre série de crimes. Puisqu'on va retrouver d'abord une femme chez elle, étranglée, les mains attachées dans le dos, mmh, avec des morceaux de miroir dans les yeux et dans la gorge. Plaisir. Plaisir, mmh, avec un linge sur la figure. Mmh. Enfin, on lui a recouvert la figure et avec un mot écrit sur elle qui est tiré de l'Ecclésiaste. D'accord. Voilà. Question. Qui est l'Ecclésiaste ? Qui est l'Ecclésiaste ? Et pourquoi ? Enfin, tiré de l'Ecclésiaste, donc de la Bible, mais... Mais pourquoi ? Pourquoi et qui ? Et ils vont se rendre compte qu'il y a des crimes qui ont également eu lieu dans l'Oise. Mmh. Exactement de la même manière. D'accord. Et les gendarmes de l'Oise avaient arrêté déjà un suspect. Voilà, Jean-Pierre Brial, qui était l'homme à tout faire, un peu. Mmh. Voilà, dans ces maisons où il y avait déjà eu 3 meurtres. Également avec des morceaux de miroir et enfin, la totale. Et on suit, en fait, le périple de l'assassin. Forcément, avec Jean-Marc Souvira, à chaque fois, c'est comme ça. C'est comme dans Le Magicien. Ben oui. Où on se rend compte que la personne est schizophrène. Mmh. Qu'elle a de gros problèmes, qu'elle a eu de gros problèmes quand il était enfant. Ben oui. Et notamment qui relate en fait ses rêves et ses cauchemars dans des cahiers qu'il garde. Voilà, depuis toujours. Et donc on va suivre le cheminement des deux protagonistes, que ce soit le commissaire Mistral ou le fameux tueur. D'accord. Eh ben. Voilà. Et ben. Donc dans un très bon bouquin, à la fin, enfin une fin un peu très intéressante en fait, très psychologique. Mmh. Et ça se voit qu'il y a de la recherche quand même, en tout cas au niveau policier, parce que il y a des trucs, par exemple comme les empreintes d'oreilles. Est-ce que tu savais qu'on savait relever des empreintes d'oreilles ? Absolument pas. Et ben voilà. Moi non plus, je ne le savais pas. J'apprends des fois des choses, quand même, la nouveauté. Et bien sûr, au niveau psychologique pour le tueur. Bon. Grand cru, quoi. Ouais, mais franchement, pas mal. Par rapport au magicien, c'est toi qui as lu les deux. Ouais. Bah, ce qui est bien, c'est qu'on ne sait pas trop... Le magicien, on savait... C'était qui, pourquoi il faisait ça. C'est pas le même point de vue, ici. Non, ici, au tout début, on ne sait pas trop c'est qui. Mm-hmm. On connaît le tueur parce que il le fait parler dans le bouquin, il fait faire ses meurtres, etc. Mais on ne sait pas trop bien. Et puis avec les autres meurtres qu'il y avait eu dans un autre département, mmh, on se pose beaucoup de questions. D'accord. Voilà, donc il y a une intrigue, il y a vraiment une belle intrigue. Mmh. Et puis on n'a pas un commissaire super-héros. C'est plutôt un commissaire... complètement crevé au bord du gouffre dans le bouquin. Ça change un peu. Ça change un petit peu, ouais. Bon. Donc, voilà. Bien. Conseil lecture. Vous n'êtes pas obligé de lire Le Magicien avant. J'allais dire conseil. Avant de lire Le Vent t'emportera, c'est pas du tout obligatoire. Maintenant, si vous voulez comprendre pourquoi Ludovic Mistral est dans cet état-là. Ouais, c'est ça. Voilà, mais sinon, c'est vraiment, vraiment pas obligatoire du tout. Bon, tu rappelles le nom de l'auteur ? Jean-Marc Souvira. Jean-Marc Souvira. Le Vent t'emportera. Un gars à suivre. C'est sorti en poche. En 2014, et c'était sorti aux éditions Fleuve Noir. Ah ben voilà. Voilà, toujours, en 2010. C'est toujours une très bonne maison, bien une évidemment. Très bonne maison. Pour rester un petit peu dans le thème, évidemment. Hein. Ouais. Flexibody, c'est le titre, le groupe c'est 69. 69, ce sont les anciens de Sloy qui ont démarré un groupe en 2010. Hein. On se retrouve sur leur premier album qui s'appelle Novo Rock. Il y aura Adulte en 2013 et sachez qu'ils reviennent en 2017 avec un troisième opus. Voilà, 69, 69, Armand Gonzalez, Virginie Petavi de Sloy. Bon, reste un petit peu dans le rock'n'roll, tiens, tant qu'à faire. Flexibody, c'est parti. Suite et fin de l'album de la semaine. Toujours avec nos 4 V. 4 V, allons-y. Oui, oui, j'ai dit 4 V. Et leur album éponyme, pas de date de concert pour l'instant, puisque l'album est sorti il y a à peine une semaine. Et on est dans quelque chose quand même de... On n'a pas dit tout à l'heure, mais... Ouais. Moi, ça me fait vraiment penser aux Talking Heads. Côté peu, dansant, ouais, comme ça, wave funk blanc, là, comme ça, un petit peu dansant. C'est vrai. Ça me fait penser à ça. Je ne sais pas s'ils vont être contents lors de mon bras. Je ne sais pas. Bah, c'est possible. C'est juste un avis. Ouais. Les derniers extraits pour cet album, pas du tout dansant cette fois-ci. Bon. Voilà, juste c'est pour juste. Contredire. Ouais, c'est ça, voilà. Mais bravo. Pas fait exprès. Hein. Le morceau s'appelle Alive. C'est parti.

Disobey. Disobey is the law. C'est le son, c'est ce que Blixa Bargeld répète inlassablement dans ce titre. Blixa Bargeld, membre fondateur et patron de Heinz Sonnenboten. Bienvenue dans l'archive du dimanche. Je les ai renommés, tant qu'à faire. Extrait d'un album qui sort en 1996, le 1er avril 1996. Et c'est assez drôle d'ailleurs, je vous expliquerai pourquoi. Ça sort le 1er avril 1996. Heinz Tausenden Bauten, qui sort par là même son 7e album, groupe qui est en route depuis les années 80, groupe atypique. Alors, cette courte séquence ne permet pas évidemment de retracer tout l'historique de Heinz Tausenden Bauten. Vous avez de la chance, les gars, vous avez de la chance. Non, non, c'est pas de la chance. Non, oh, pas du tout. Heureusement, on est parti pour 10 heures, les gars. Mais on s'attarde à une période, bah, pour ce soir, un peu particulière. Le changement, c'est maintenant, sont tentés de dire certains politiques. Ben, cet album correspond vraiment à cette philosophie. Le changement, c'est maintenant. Ça va provoquer d'ailleurs de fameux changements. Le groupe tourne, je le dis, depuis une bonne quinzaine d'années. Voilà, quand ce disque arrive, hein, ils ont fait plein de concerts, des hippies, des installations sonores, évidemment. Heinz Sonnenboten est connu pour être un groupe qui utilisait la matière pour faire du son. S'il fallait résumer, et le premier concert c'était avec des tôles en métal et des marteaux piqueurs. Voilà. Et des cassettes rebobinées à l'envers. Tant qu'à faire. C'est l'imagination, c'est juste. Ils avaient énormément, énormément, mais c'est tout à fait vrai, énormément d'imagination pour détourner finalement la consommation et mettre ce pendant de consommation en termes de son. Voilà, il y a plein de choses qui traînent, il y a plein de poubelles, et nous on ramasse vos poubelles, on fait de la musique avec. Bon, voilà, il y a un message dès le départ. Et puis on arrive en 96 avec ce Händene qui va marquer une vraie fracture parce que c'est le premier disque vraiment accessible au grand public. Je te vois accessible. Je te vois un peu sceptique, d'accord. Mais par rapport à ce qu'ils font précédemment, oui, d'accord, c'est vraiment accessible au grand public. C'est plus accessible, on va dire. Voilà, il y avait déjà Tabula Rasa juste avant, en 89, qui avait un peu balisé tout ça, nettoyé un petit peu quelques impuretés, mis un peu plus d'ordre, voilà. Mais c'est un album extrêmement sombre, extrêmement noir, et donc qu'elle ne pouvait pas toucher tout le monde finalement. Händene prend le pari finalement de rassembler. Et c'est bien sûr exactement l'inverse qui va se produire avec ce disque, puisque même pendant l'enregistrement du disque, il y a deux musiciens qui vont se barrer du groupe, qui n'apprécient absolument pas la direction que prend le groupe et les tournants que prennent les musiques. Ça leur convient vraiment pas. Ces deux membres fondateurs, en plus, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui non plus qui va se barrer pendant ces enregistrements. Il y a Mark Chung notamment qui s'occupait des percussions qui va quitter le groupe, et Effeminate aussi dans le très très actif dans le processus de création et de transformation, qui va quitter le groupe pour par exemple s'acoquiner avec KMFDM. Qui d'avis est quand même plus accessible qu'une sorte de Nebotan. Quand même, ouais. Voilà. Finalement, ce groupe, c'est quatre personnes qui vont faire ça. Effeminate, il se barre juste après l'enregistrement, la phase de finissage, mais il va quand même s'occuper des percus tout le long de cet album. Sur Installation No. 1 qu'on écoutait maintenant, le gros travail de percus derrière, c'est toujours lui. Et donc, ça va tourner autour de Blixa Bargeld, évidemment. Et son fidèle lieutenant Alexander Hack, grand bassiste, méconnu bien sûr, et Ennu Enru évidemment qui s'occupe lui de la logistique de tout ce qu'on peut trouver derrière, bien sûr. Ennu Enru bien sûr c'est Mark Schudi, voilà, qui donc je disais va quitter le groupe. Donc quatre personnes, à la fin il n'y en a plus que deux, il faudra remonter un groupe. Parce qu'il y a une tournée qui va s'engager, donc il faudrait aller chercher assez rapidement des musiciens. C'est quand même assez particulier, hein, c'est tout un contexte. Il faut aller chercher des gens pour faire la tournée, pour suivre. Et donc ils vont aller chercher Jochen Arbeit et Rudi Moser, les membres de Die Haut, qui vont prendre la guitare et prendre les batteries et les percussions, ainsi que Hans Wensney qui va s'occuper des claviers pendant les concerts. Hans Wensney qui est un musicien australien qui a notamment joué dans un groupe qui s'appelait The Models, pour la petite histoire. Mm-hmm. Donc on s'en va sur un album qui doit toucher tout le monde et finalement qui divise en interne, et un groupe entièrement recomposé au moment de démarrer la tournée. C'est assez particulier. Voilà, c'est un petit peu l'histoire de ce disque Haine de Nœuds. Pourquoi? Qu'est-ce qui a mis le feu aux poutres? Eh bien, on va se plonger sur la deuxième plage. J'avais entendu, c'est du vinyle. Donc, on va remonter le bras et partir sur la plage numéro 2, Stella Maris. C'est le morceau qui provoque la déchirure dans le groupe. Mm-hmm. Mais pourquoi donc? Je pose la question. Pourquoi? Pourquoi? T'as pas une petite idée? Stella Maris, évidemment, ça parle d'une femme. Bon, jusque-là, ça va. C'est la femme d'un des musiciens. Mais voilà, c'est surtout un morceau assez particulier dans la carrière et dans la dynamique du groupe, puisque on retrouve Meret Baker au chant et au violon. Mm-hmm. Et Meret Baker est la compagne de Blixa Bargeld. D'accord. Et donc, ils nous font un revival John Lennon-Yoko Ono, là, ouais, sur ce coup-là. Elle va rajouter évidemment plein de violons partout. Aïe. Elle va mettre plein de mélodies, plein d'harmonies vocales. Ben, il n'y avait pas spécialement ça avant dans The Button. Blixa Bargeld, ça lui convient plutôt pas trop mal. Il se dit, bah ouais, allez. Pourquoi pas? On fait autre chose. Les voix, c'est bien aussi. C'est sa femme, donc. Et c'est sa femme, évidemment. Par contre, les autres, ça se passe pas du tout comme ça. Il faut savoir pour Stella Maris que c'est quand même plus qu'un morceau, c'est quasi une mini-symphonie. Je vous le donne. Hein. Dans les arrangements, c'est un certain Bertrand Burgala qui s'occupe de ça. Ouais. Et puis on retrouve pas moins que Renaud Lost, mm-hmm, musicien jazz belge, ouais, voilà, qui va assurer ça. Samuel Alvoud, pareil, musicien jazz belge. Ouais. Carole Dutheil pour les violons. Georges Siblinck, Jean-Pierre Catou, bref, toute une série de Belges qui vont participer à ce titre. Voilà. D'accord. On réunit la crème du jazz belge, on prend Bertrand Burgala. C'est ça. Pop yéyé à la française. Et puis on met tout ça avec le Button. Tu parles d'une déchirure. Tu m'étonnes qu'il y en a qui sont partis. D'un côté, je peux comprendre. Allez, je dirai pas plus longtemps. Stella Maris, il faut quand même découvrir ce que c'est. Pareil, il faut le temps que je cale sur la plaque, puisque c'est du vinyle pour l'archive du soir. Et on est parti avec ce titre qui est... faites-vous votre idée, tiens. On en reparlera un mot juste après. Aïe. Pour donner l'idée. C'est jamais finir. C'est pas si mal que ça. C'est ça que je voulais dire. D'accord. Voilà, maintenant c'est fini. Nichts mehr mir die Sicht verstellt, wenn du kommst, seh ich dich kommen schon vom Rand der Welt. Es gibt nichts Interessantes hier, die Ruinen von Atlantis nur, aber keine Spur von dir. Ich glaub, du kommst nicht mehr. Den Traum verpasst. Du träumst mich, ich dich. Keine Angst, ich weck dich nicht, bevor du nicht von selbst erwachst. Übers Eis in Richtung Nordpol, dort werde ich dich erwarten, werde an der Feuerland, harter Traum, Arbeit zum Pol wird alles dort sich nur um uns noch drehen. Der Polarstern direkt über mir, dies ist der Pol, ich warte hier. Nur dich kann ich weit und breit noch nirgends kommen sehen. Ich warte am falschen Pol. Im Traum verpasst. träumst nicht, ich dich. Keine Angst, ich finde dich, bevor du noch von selbst erwachst. Canards vont à la mare et c'est bien fait pour vous, RQC. Thank you. Allez, une petite nouveauté. Ouais, pas longtemps. Ah oui, quand même. Nouveau. Voilà. Le groupe suédois Ra. Ra. R-A, on en avait déjà parlé. C'est vrai, c'est vrai. Dernier morceau, Then I Wake Up in Paradise. Ben voilà. Sorti 2 semaines. Voilà. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Fort bien et le clip est splendide. Pour ceux qui ont l'occasion de le voir. Carrément. Ouais, franchement, il est très très bien fait. Bon, bah écoute, on fait confiance. Hein. Ben oui. Absolument, absolument. Allez, dans les petites choses qu'ils ont fait vibrer 2016, il y a un petit groupe belge comme ça, qui s'appelle La Muerte, qui a sorti un maxi, un hippie 3 titres qui s'appelle Murder Machine, version vinyle évidemment. Hein. Ben ouais. Vous écoutez, Fume, c'est du belge. Ou presque, hein. Mais c'est vrai que c'est du belge. Extrait de ce truc qui a bien tourné, voilà, même si c'est 3 titres, c'est pas beaucoup, mais bon. C'est la muerté, quoi. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Je suis le destructeur, c'est parti. Yeah. écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. Ouais. Très bien. RQC sur le net, c'est le www.rqc.be. Forces coming to me, slipping at the forces. Ben mes aïeux. Pour déboucher vos oreilles. C'est ça quoi. Les Norvégiens de Moe. Ouais, bah ben ouais. Oui. Ah oui. Ils ont sorti un album début octobre. Absolument. The Examination of the Eye of a Horse. Et on écoutait Wild Horses. Terrible. Terrible. Terrible, terrible. Terrible. Trio comme ça, mais il y a un morceau très punk sur cet album qui s'appelle Paris. Mm-hmm, tout à fait. Et bon, voilà quoi, mais qui ne reflète pas la puissance terrible de ce groupe. Et quelle voix. Et quelle voix. Absolument, absolument. C'est marrant, j'avais un mot. C'est vrai. Absolument. Ah, ben voilà. Et je l'ai pas mis. Et ben moi je l'ai mis. Bien fait. Hein. Voilà ça. Les grands esprits se rencontrent. Alors eux, il y a un petit mot qui parle d'eux, qui dit « En ce qui concerne Télé Détente 666, puisque c'est d'eux qu'on parle, la qualification de légende urbaine n'a rien d'une quelconque esbroufe. Googlez, vous ne trouverez que des amorces de concerts perdus dans la jungle numérique. Et la seule trace concrète de leur existence est un monumental 45 tours sorti sur le label canadien Sweet Rot Records en 2012. » Pouf, voilà. Télé Détente 666, c'est donc le nom du groupe qui ont sorti en 2015, hein, fin d'année dernière, un premier album qui fait 7 titres. Ils sont un peu avares quand même. L'album s'appelle Karen. C'est assez particulier, mais on reste quand même dans cette rubrique un peu post-punk, cold wave apocalyptique, froide, française, un peu à la maman Custers comme ça. D'accord. Si ça sort chez Turc Mécanique, forcément. L'album qui s'appelle donc Karen, Télé Détente 666, on va écouter Soleil Nord-Est. C'est parti. We'll be right back. l'ai dit, hein. C'est quelque chose quand même là-dedans. Quand même. Télétente 666. Bon. Allez, morceau décroche déjà. Eh ouais. Ça passe vite. On va partir en 1997. Mm-hmm. Presque 20 ans. Ah ben oui. Naissait l'album The Fat of the Land. Oui. Des Britanniques de Prodigy. Et on va écouter le morceau, premier morceau clippé. Prodigy. Ouais, ouais, ouais. Fire Starter. Allez, c'est parti. Thank you. Eh ben dis-moi. Ouais. Bon petit souvenir ça. Ah, ça. Bon allez, quoi que vous fassiez, faites bien, sortez prudent. Sortez prudent. Sortez prudent, soyez couverts. Ouais, il fait froid dehors, couvrez-vous. Et à la semaine prochaine. Bonsoir. Bye bye. Ducks, ducks, quack, quack, quack, quack. But there's a poison. Il est 22h.